Cascade. À l'atterrissage, l'administration sénégalaise voulait me donner 200 euros pour mon intégration. Je l'ai refusé. J'avais récupéré mes passeports et étais à nouveau libre de circuler. Le transfert de technologie des hauts fourneaux étant tellement capital pour la vie qu'en aucun cas j'y renoncerai. Après 3 jours chez ma famille ouest-africaine, je repris la route pour aller où il était le plus logique de construire ce premier haut fourneau, c'est-à-dire où j'avais commencé à le faire. Je retournai donc au village de la vallée aux épinards, dans les montagnes de l'Adamawa. Cette fois, j'y allais en transport en commun. Dakar-Bamako, Bamako-Bobo-Dioulasso, Bobo-Ouagadougou, Ouaga-Cotonou, Cotonou-Lagos, Rivière-Im. C'est le moment idéal pour parler de ma perception de l'histoire de la bande sahélienne. Le Sahel, c'est l'espace entre le désert du Sahara au nord et la forêt tropicale au sud. Pour voyager et par souci de prendre des décisions réalistes, je me suis intéressé très tôt aux histoires de cette zone. Je mets histoire au pluriel, car il y a à ma connaissance au moins 3 histoires. Celle vue et racontée par les Africains, celle écrite et inculquée par l'éducation nationale française, celle factuelle de l'Amérique. Je considère que la vérité se trouve dans les jonctions de ces 3 sous-ensembles. Ce que je vais écrire va paraître cynique, et je suis conscient que la vérité n'arrange aucune communauté. Cependant, si des décisions doivent être prises au profit de la vie, il est nécessaire de mépriser ses intérêts particuliers. J'ai écrit précédemment que les agriculteurs ont chassé les éleveurs pour les vendre comme esclaves aux Européens. C'est un peu rapide comme analyse. Remontons à plus de 4 siècles auparavant. Il y a 2 modes de vie totalement différents. Les sédentaires et les nomades. Bien sûr, il n'y a pas de séparation stricte, car il y a aussi beaucoup de semi-nomades à des degrés divers. Cependant, la pure logique explique le regroupement des éleveurs nomades en un ensemble collaboratif et les morcellements des agriculteurs sédentaires en zones fertiles concurrentielles. Dans le but de commercer entre eux, les éleveurs se sont organisés autour d'une langue, de coutumes et de croyances communes. Ils maîtrisaient les grands axes de circulation, donc ils contrôlaient aussi les commerces de la bande sahélienne. Cela s'étendait sur 10 000 km, de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Bien sûr, cette organisation s'est construite en plusieurs millénaires. De très nombreuses preuves le confirment. Notamment les premières traces écrites de mon nom de famille, Diallo, Khan, remontent à plus de 1000 ans et les prénoms traditionnels Foulbé remontent à plusieurs millénaires. Ces prénoms sont extraordinairement ressemblants aux prénoms juifs et à ceux de l'ancienne civilisation égyptienne. Par exemple, Suleyman et Salomon, lequel est à l'origine de l'autre. Pareil pour Adama et Adam, Adamawa. Bien sûr, il y a eu de nombreux grands et puissants royaumes sur le continent, capables de supplanter partiellement et momentanément la domination des nomades. Mais ces royaumes n'ont jamais contrôlé leur commerce. Il faut bien se replacer dans la situation économique de l'époque, car il n'y avait pas d'industrie lourde aux fourneaux. Il n'y avait donc pas de raison stratégique à défendre une place ou à faire des forteresses. La puissance d'une cité vient toujours de sa capacité à produire de la richesse et de son organisation sociale. Cependant, sur plusieurs siècles, les techniques de production de richesse sont assimilables par les concurrents et l'organisation sociale, surtout monarchique, a toujours une fin, car l'intelligence n'est pas héréditaire. Intelligence, capacité à générer de la vie. Une domination économique n'est jamais éternelle. Par contre, le commerce, lui, ne s'arrête jamais. Lorsque les Européens arrivèrent pour explorer le continent africain, La situation était donc la suivante. De très nombreux peuples vivant de l'agriculture dans des bassins fertiles ou des vallées représentaient 60% de la population de la bande sahélienne, mais étaient très divisés et aucun peuple d'agriculteurs ne dépassait 10% de la population du Sahel. Tout autour de ces agriculteurs, il y avait les nomades et les semi-nomades, qui eux représentaient un seul peuple et 40% de la population. Si l'on transpose le comportement humain actuel sur celui de l'époque, car je pense que globalement, il n'a pas beaucoup évolué, les éleveurs devaient harceler et opprimer les agriculteurs à défaut de les dominer. Cependant, les uns ne peuvent pas vivre sans les autres. Nourriture, commerce. Ce qui donnait une société robuste dont l'image la plus juste serait le béton, avec les éleveurs comme ciment et les agriculteurs comme gravier. Au début, les Européens se sont servis de cela. Apportant de la richesse, du fer, ils ont désenclavé les agriculteurs en tissant de nouveaux liens commerciaux. L'esclavagisme peut être vu comme des victoires militaires des agriculteurs sur les éleveurs et les esclaves comme des prisonniers de guerre. Pour les Européens, il était logique d'investir contre leur principal concurrent commercial. Cette stratégie de faire grossir les graviers de l'Afrique a eu un double effet. Récupérer des morceaux du ciment, des esclaves principalement éleveurs, et faire fissurer le béton, les liens commerciaux. Mais cela a ses limites. Surtout que le commerce triangulaire commençait à dysfonctionner. Moins de demandes de la part des royaumes africains rassasiés en fer. Ils devaient négocier à la hausse le prix des esclaves. La question à cette époque, vers 1800, était comment retrouver de la rentabilité? La réponse française fut simple. Contrôler le commerce interne à l'Afrique et l'axe commercial océan Atlantique-océan Indien. Leur plus gros problème était que les agriculteurs comme les éleveurs sont avant tout des Africains. Ils ont un besoin vital les uns des autres et vivent ensemble sur un même territoire. Aucune frontière n'existe entre les deux corporations. Malgré des fissures dans la société africaine, dues à la traite des esclaves, elle ne s'était pas effondrée. Entre le ciment et un gravier, il y a toutes les tailles de sable et ils étaient encore bien liés. Ils formaient un mur imperméable à la colonisation. Sauf que dans cette représentation, on oublie une corporation, les forgerons. Pour eux, la situation était tragique. Leur art ne valait plus un clou avec l'arrivée du métal européen. Le prix de la vie étant négocié en fer, un esclave égale N kg de fer, et le cours du fer s'étant, lui, effondré en quelques dizaines d'années, les familles de forgerons qui auparavant étaient parmi les plus respectées d'Afrique se retrouvaient sans fonction. La famille la plus connue est celle des Tal, et plus précisément, un de leurs illustres ancêtres, Oumar. Étant au chômage, il part à la Mecque pour se reconvertir dans la religion. Lors de son retour, il passe par Bamako pour essayer de convertir les Bambara à la religion musulmane. À cette époque, le royaume de Ségou était très puissant grâce au commerce avec les Français. Cette dynastie d'agriculteurs de la haute vallée du Niger avait su tirer profit de la traite négrière. Ce qui s'est passé pendant les 2 ans qu'Oumar Tall passa dans ce royaume, réduit en esclavage ou captif privilégié, n'est pas intéressant. Par contre, on peut comprendre sa haine de cette royauté lorsqu'il a réussi à s'évader. Ce leader religieux continua son chemin par le fleuve Sénégal. Là, son prêche trouva plus d'écho chez les semi-nomades déjà musulmans. Il fit de nombreux adeptes pour partir en Guinée construire une mosquée. Il regroupait autour de lui les opposants au système mis en place entre les Français et les agriculteurs. À cette date-là, 1840, aucune des trois histoires, africaine traditionnelle, française et anglo-américaine, ne raconte les mêmes choses. La raison en est simple. Aucun des trois groupes n'a d'intérêt à ce que l'on dévoile la magouille. Pourtant, ce qui va se passer aura des conséquences énormes et explique la situation actuelle de l'Afrique. Dans ce que je vais écrire, il y a un problème interafricain de fierté, un problème français, car cela démontre tout le danger de croire en leurs paroles, diplomatie, et du côté anglo-américain, cela démontre la priorisation du commerce au mépris total de la vie. Je vais essayer d'être le plus cynique possible. Les Français veulent détruire leur allié Bambara, récupérer les terres de leur partenaire Bambara et réduire en esclavage leur ami Bambara. Le tout sans qu'ils s'en aperçoivent et sans perdre d'hommes. Pour réaliser ce tour de force, il fallait mentir, autrement dit, exploiter l'ignorance africaine. Du point de vue africain, les habitants avaient une certitude. Les Français et les Anglais ne s'entendaient pas, c'est peu dire. Les guerres franco-anglaises duraient depuis des siècles. Les Africains les avaient d'ailleurs vus se battre entre eux pour la maîtrise des comptoirs. Pour eux, ils étaient comme le chien et le chat, l'huile et l'eau et le feu. Malheureusement, pour la vie, vers 1850, les Africains n'étaient pas au courant des dernières actualités européennes. C'est ce que les Français vont exploiter avec leurs nouveaux alliés anglais. Leur but, casser la société africaine. Il est mortel d'être ami avec les Français, car ils n'en ont pas. En français, la fraternité a une forme hexagonale. Ils vont demander aux Anglais d'armer le pire ennemi de leurs amis Bambara, c'est-à-dire Oumartal. Oumartal part à l'assaut de Bamako. C'est une guerre qui, aujourd'hui, est très peu médiatisée dans les éducations nationales. Pourtant, elle a une importance capitale. Car Oumartal gagne, mais pas la vie. Les historiens estiment le nombre de morts à 70 000. L'armée et la population Bambara sont en déroute. Bien sûr, ils vont se tourner vers leurs alliés et amis, les Français. Évidemment, demander de l'aide à la société française n'a jamais été sans contrepartie. Pour les guerriers Bambara, ce fut de devenir des soldats français. Ceci est l'instant précis du début de la colonisation et la fin de l'indépendance en Afrique. À qui la faute ? Peut-être que la réponse se cache derrière des fiertés et des rancunes entretenues par ceux qui profitent des divisions. En tout cas, les troupes coloniales françaises sont allées très loin avec leurs nouveaux tirailleurs. Surtout que dans un premier temps, leurs nouvelles recrues se battaient pour récupérer leurs terres. De son côté, Oumartal n'était plus supporté par les Anglais. Ils avaient disparu après avoir réalisé leur mission d'initiateur de guerre. Oumartal dut reculer face aux Bambara sous uniforme français, car il avait un problème technique. La fabrication des fusils ne lui posait pas de problème. C'est un forgeron. Mais par contre, celle de la poudre à canon était beaucoup plus difficile. De nombreuses histoires existent sur la mort d'Oumartal, mais elles s'accordent sur le fait qu'il explosa dans une grotte de la falaise de Bandiagara, au centre du Mali. Ma théorie est qu'il essayait de fabriquer de la poudre pour ses fusils. Sans leader, les troupes des derniers Africains libres se dispersèrent. En face, la colonisation française n'ayant plus d'opposition, elle alla jusqu'au Darfour, après le lac Tchad, en suivant la bande sahélienne, donc les zones de pâturage. Cette conquête ayant demandé très peu de militaires français, 1000 hommes, elle eut néanmoins de grosses conséquences au niveau planétaire. Les moyens économisés par la désinformation et les mensonges furent alloués à d'autres colonisations. Par exemple, celle du Mexique, une autre zone de pâturage. Où, quand les Bambara furent enrôlés, des 20 000 militaires français qui furent envoyés pour essayer de soumettre ces éleveurs américains par la force. Autre zone d'élevage, les Alpes, mais toujours à la même époque. Cette fois-ci, la colonisation française se fit par la ruse, l'économie et le mensonge. La Savoie était un pays indépendant et économiquement très fort, car il exportait aux autres nations des centaines de milliers de tonnes de fer. Leurs avantages concurrentiels étaient le charbon de bois issu des forêts et les ruisseaux des montagnes pour faire tourner les moulins, deux choses indispensables aux hauts fourneaux au début. Au XIXe siècle, l'industrie du fer connut une nouvelle évolution. L'utilisation du charbon de terre, la houille et le coke, énergie fossile, en remplacement du charbon de bois. Anecdote importante, la production de fer à partir de cette énergie fossile est à l'origine du réchauffement climatique. Malheureusement pour les Savoyards, la localisation de cette énergie était dans le nord, donc très éloignée de leurs hauts fourneaux. De plus, les machines à vapeur permettaient maintenant de s'affranchir des cours d'eau. Ces machines et l'utilisation du charbon de terre étant beaucoup moins onéreux, l'économie de ce royaume alpin connut une grande dépression. Lors d'élections que beaucoup pensent truquées, la Savoie fut rattachée à la France en 1860. Cependant, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'orgueil des éleveurs alpestres s'est réveillé. Les Allemands, plutôt les Autrichiens, n'ont jamais vraiment contrôlé les habitants des montagnes, au lieu de la résistance. Par contre, la France, elle, s'est fait coloniser par l'Allemagne. Au bilan, la France ayant été obligée de demander l'aide des anglophones pour se libérer des germanophones, elle a donc perdu la Seconde Guerre mondiale. Cette perdante, la France, a dû se plier aux exigences des vainqueurs. Des ordres furent donnés à l'ancien fuyard, réfugié et protégé anglais, le général de Gaulle, qui fut contraint de donner l'indépendance aux Africains. Je ne ferai pas la même erreur qu'Oumartal. Croire que les dirigeants anglophones et francophones ne peuvent pas s'entendre quand il s'agit d'exploiter l'Afrique. Je pense qu'après concertation avec les Anglais, le gouvernement français a créé les frontières africaines pour que les peuples ne puissent pas avoir d'autonomie. En fait, surtout les peuples nomades, qui conservaient et conservent encore de la haine envers ceux qui avaient exporté un quart de leurs ancêtres. Cependant, dans la zone coloniale, le peuple des éleveurs représentait encore plus de 30% de l'ensemble de la population. Si de Gaulle donnait l'indépendance à l'ensemble de la zone colonisée, Afrique occidentale française, il était inéluctable qu'un futur président soit issu d'un peuple nomade, car les peuples d'agriculteurs n'auraient jamais pu s'entendre entre eux. Les dirigeants franco-anglais savaient, et savent maintenant, que lorsqu'un dirigeant est issu par exemple du peuple Peul Fulbe, sa politique est de virer les Français du territoire. Donc, sous tutelle anglaise, De Gaulle et Focard ont décidé de fractionner la colonie d'Afrique en donnant l'indépendance à des pays où un peuple d'agriculteurs amis pourra être en majorité démographique, c'est-à-dire en nombre plus important que les éleveurs, et donc biaiser la démocratie. Ainsi, dans chaque pays dessiné, il y avait environ 70% d'agriculteurs et 30% d'éleveurs. Il suffit de regarder une carte. Le peuple Peul Fulbe est coupé en 14 pays, les Touaregs en 4 pays, les Sahraouis en 3. Actuellement, ce découpage est à l'origine de toutes les guerres d'autonomie africaines et les comportements sont exactement les mêmes qu'entre 1940 et 1944 en France. Vu la situation, j'avais décidé de passer par le sud du Nigeria, car au nord, il y avait des guerres. dont une menée par le groupe Boko Haram. J'aurai l'occasion d'approfondir mes propos. Je passe sur toutes les petites tracasseries et aventures pour arriver jusqu'à la douane du Bénin-Nigeria, à côté de Cotonou. J'ai été très fatigué, ayant voyagé toute la nuit sans dormir. Je monte sur une moto et dis « Je vais au Nigeria ». Comme la dernière fois, le conducteur traverse les postes sans s'arrêter au contrôle douanier. Je lui dis « Non, moi je dois avoir les tampons pour voyager ». Donc je retourne au poste pour me faire enregistrer. Les douaniers commencent à regarder mon passeport dans tous les sens et à passer des coups de téléphone. Je sentais que cela commençait à merder. Ils m'amènent dans une salle pour m'interroger. Il était 15h. Je leur explique la situation. Je leur fais part également de mon intention de passer par Abuja, la capitale du Nigeria. Là-bas, je voulais raconter ce qui s'était passé au Cameroun. Mon but étant que le Nigeria dise à l'autorité camerounaise de ne plus rentrer sur son territoire, notamment pour essayer de m'attraper. Il faut savoir qu'en tant que Sénégalais, j'ai le droit de circuler dans toute l'Afrique de l'Ouest, et ce sans visa. Le Nigeria faisant partie de l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun de l'Afrique centrale, j'étais dans la légalité au Nigeria. Après 2 heures d'attente, un officier vient avec mon passeport. Il me montre que tous les tampons d'entrée et d'autorisation de circuler sont mis, puis il me dit que je ne peux pas aller à la capitale. Sans autre explication, il me tend un document à remplir dont le titre est « Expulsion du territoire du Nigeria ». J'ai bien demandé une explication, mais il semblait peu loquace. En plus, j'étais très fatigué après mes 3 jours et 3 nuits de voyage. C'est à moitié éveillé que j'ai rempli en double exemplaire les formulaires de mon expulsion. Cet agent X que je ne souhaite pas me rappeler et que je ne pourrais en aucun cas décrire me ramène au poste frontière du Bénin. Il me tend mon passeport et comme un imbécile, j'étais fatigué, je vais au guichet d'enregistrement béninois et je tends mon passeport au douanier. Il me dit « Donne-moi de l'argent ». Je lui réponds « Non ». En prononçant ce mot, une sorte de connexion s'est effectuée. Je lui dis avec nervosité « Rends-moi mon passeport ». Une montée d'adrénaline face à l'angoisse de tomber sur un policier honnête, chose impossible. Il me rendit mon passeport. J'avais eu peur qu'il y mette un coup de tampon, car il y avait tous les tampons pour circuler au Nigeria, mais il n'y avait pas les tampons de sortie du Nigeria. Donc, sans celui d'entrée au Bénin, j'étais totalement en règle pour voyager au Nigeria. Il suffisait que, ni vu ni connu, j'y retourne illégalement, en sautant les 2 douanes. Ensuite, si je tombais sur un policier, mes tampons étaient bons, et il n'y avait aucune chance qu'il téléphone au poste de douane pour savoir si j'avais été expulsé. En tout cas, pour un barrage routier classique. Dans le pire des cas, même s'il y avait un registre national des personnes interdites, avant qu'il soit mis à jour informatiquement, j'avais quelques jours. Je retourne donc à Cotonou pour dormir à la station de bus. Non loin de là, dans un cybercafé, je rencontre un Camerounais dont je connaissais la famille. Un Djoya. Les Djoya sont de la royauté voisine du roi fantoche de Bagno. La méduse échouée sur le canapé jaune du préfet qui m'avait envoyé en cellule. Je lui raconte mon histoire et lui expose mon problème. Comme c'était un trafiquant, il connaissait bien les routes parallèles. Le lendemain, nous partons ensemble pour la frontière où on devait retrouver un de ses passeurs. Malheureusement, il était indisponible. Je dus prendre un taxi-moto qu'il ne connaissait pas vraiment, mais qui était du village frontalier. Je traverse la frontière comme une lettre à la poste, par le village, tout simplement. Mais d'un seul coup, il s'arrête et me dit de l'attendre dans ce restaurant. Je lui dis non, de continuer, mais je ne pouvais pas faire scandale. J'étais à moins de 100 mètres du poste frontière, là où la veille, il m'avait expulsé en me promettant la prison si je remettais les pieds dans leur pays. J'obtempérais en allant m'asseoir au restaurant. 2 heures de stress et impossible de joindre Joya. Le motoman revint et me dit de monter avec un autre chauffeur. Nous nous éloignâmes de 2 kilomètres et je retrouvai Joya, très en colère. Les autochtones m'avaient pris en otage et il avait dû payer pour ma libération. Il faut savoir que je lui avais confié tout mon argent pour éviter de me faire dépouiller sur le trajet. Les villageois avaient réussi à nous soutirer 2 fois plus que ce qui avait été convenu. Néanmoins, je conservais une certaine confiance en Joya. Il me dit que cette fois, on va faire les choses autrement. Il sélectionne le taxi mécaniquement le plus pourri possible, avec le chauffeur le plus disgracieux et âgé possible. Le pilote accepte la proposition suivante. S'il arrive à passer les 4 contrôles de douane sans que l'on se fasse contrôler avant la station de transport de Lagos, on lui quadruple le prix de la course. Oula, oulala ! Comme moi, je suis sûr que Joya doit encore s'en souvenir. Premier contrôle. Il arrive à 50 km/h. Un policier se met au milieu de la route pour nous arrêter. Il accélère. Le policier plonge sur le côté. Il monte à plus de 100 km/h pour le deuxième poste où les policiers n'ont pas osé se mettre en travers. Pour le troisième barrage, il le contourna par un passage à contresens sur 1 km d'autoroute. On a payé 4 fois le prix et en plus on lui a donné une prime. C'était mieux que dans les films ou que dans n'importe quel manège à sensation. Waouh ! En plus, c'est autrement plus stressant que d'être dans un fauteuil à regarder des acteurs qui portent des jouets en bordoulière. Adrénaline triple A. Ensuite, je fis 100 km en minibus avec Joya. Puis, après une nuit dans une gare routière, je pris seul un bus pour Enugu. Les villes du Nigeria sont immenses par rapport aux autres pays. À Enugu, je prends un minibus pour une petite ville plus au nord, où je passe la nuit. Au petit matin, le problème est que je n'arrivais pas à trouver un bus qui allait dans la direction voulue. Je décide donc d'aller dans un cybercafé pour planifier un nouveau parcours. Tant que je ne parlais pas, j'arrivais à me fondre dans la population, mais mon accent en anglais ne laissait aucun doute sur mes origines. La police fut vite avertie qu'une personne venant d'Europe était dans ces rues. Elle m'arrêta avant d'atteindre le cyber. Lors de mon deuxième interrogatoire, au cours duquel j'essayais de me faire passer pour un touriste voulant visiter le parc Gachaka, je tombe sur un policier véreux, normal. Il a dû flairer que je n'étais pas tout à fait en règle, donc une occasion de se faire du fric. Il m'imposa de me conduire avec son collègue dans une ville où je pourrais prendre un bus pour le parc. J'ai bien essayé de faire tourner court cette expédition, mais il me disait que c'était pour ma sécurité, et que sinon, il serait obligé de me garder au poste dans l'attente d'une solution. J'ai payé. Ils m'ont extorqué plus de 100 euros sous différents prétextes. Néanmoins, ils m'ont transporté sur 120 km au final. La fin du trajet jusqu'aux portes du parc Gachaka se fit sans tracasserie. Mais à mon arrivée, les autorités m'ont dit de poursuivre jusqu'à Gembu pour avoir un permis de séjour de longue durée et surtout raconter mes mésaventures. Impossible. Là-bas, ils avaient des ordinateurs. S'ils y entraient mon nom, ils allaient savoir que je n'étais plus le bienvenu au Nigeria. En leur faussant compagnie, j'entre donc dans l'illégalité. Mon but, rejoindre la rivière Im sans me faire contrôler par les gardes du parc. Plus de 150 km à pied dans la jungle et pendant la saison des pluies. À partir de maintenant, c'était autrement plus stressant de marcher. Car à chaque bruit de moteur, c'était la course pour trouver une planque. Au bout de 30 km, je fus bloqué par la première rivière. En cette saison, elle faisait 30 mètres de large, plus de 3 mètres de profondeur et un courant à 20 km/h. La construction d'un radeau fut un échec et la nuit arrivait. Je me résolus donc à aller à l'embarcadère. Un motoman était en train de traverser à la nage pour ramener une pirogue afin de faire traverser sa moto. Je lui demande s'il veut bien que je traverse avec lui. Non seulement il accepta, mais en plus il me transporta jusqu'à Gachaka, me planqua jusqu'au lendemain chez un ami. Puis, très tôt, il m'emmena en moto jusqu'à la montée au pied du plateau. J'en avais les larmes aux yeux. J'avais réussi à revenir.